BR Métal, avec 4 divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Métal, 353 Gustave Dessuroy Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Métal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Dolbeau-Mistassini. C'est la chronique du hockey mineur de Dolbeau-Mistassini avec notre ami David Lamontagne. Cette chronique est une commandite de BR Métal. Salut David! Salut, Danny. David, je vais te poser la même question que j'ai posée à Hugo Maltin. On est tous fiers. Là. Il y a des soirs qu'on s'en rappelle. Moi, je me rappelle de Marianne Saint-Gelin en 2010 parce qu'elle avait remporté sa médaille d'argent à Vancouver. Hier, Samuel Girard, moi, je trouve que c'est un grand soir pour le lac Saint-Jean. Puis on est pas mal tout fiers. On voyait ça hier, c'est sûr, l'explosion des gens. Puis c'était incroyable, les likes et ainsi de suite. Penses-tu que Samuel Girard, ça pourrait avoir une influence sur le hockey mineur? Sur les inscriptions, Moi, je suis convaincu que ça peut avoir une influence, même régionalement. Là. OK. Veux pas, là. T'sais, oui, il vient de Robertval, mais c'est pour même tout le monde, tu parles à tout le monde de Dolbeau-Mistassini, Normandin, les environs. C'est sûr que tout le monde suit ça, tout le monde va suivre sa carrière, puis tout le monde. Je suis convaincu que ça va être il va avoir une bonne influence sur. Il va donner peut-être un petit peu d'espoir à tous les jeunes joueurs de hockey. Ben oui, c'est sûr. Et tu penses-tu que... parce que c'est un bonhomme poli aussi. C'est pas un gars qui est attenflé pour Saint-Saëns. Ça l'aide aussi. C'est ça, c'est un bon exemple en même temps pour les joueurs de hockey. Là. Ouais. David, qu'est-ce qu'on parle cette semaine? Je sais que David, Hugo me disait que le hockey Saint-Pilette est commencé. Oui, j'imagine qu'à Dolbeau. Ouais. Ça commence en fin de semaine, là, quand il y a eu des matchs pré-saison. Là, je sais que... Il y a des matchs prévus en fin de semaine. Les saisons commencent dans le Saint-Plolette. Aussi dans le Double-Olette, je pense que la tourne commence en fin de semaine. Les autres sont à Sept-Îles. Oui, c'est parti. Là. Les équipes sont formées, puis les saisons vont commencer. Ça a-tu bien été dans différentes équipes formation? Ça a-tu été dur de trouver des entraîneurs? On parle beaucoup du Bantam, mais dans le Saint-Plolette, c'est la même affaire. C'est souvent les parents des joueurs, hein? Oui, c'est sûr que c'est de plus en plus difficile de trouver des entraîneurs, mais en même temps aussi c'est les horaires, là. Puis c'est difficile de trouver des, tu sais, l'idéal ce serait d'avoir des personnes qui n'ont pas d'enfants, des jeunes, mais c'est difficile dans notre coin là, c'est difficile d'avoir des jeunes, mais il y en a quelques-uns qui s'impliquent comme assistants, hein, comme dans chaque équipe, en espérant que qui en aide de plus en plus, mais c'est difficile. Il y en a qui partent aux études, ne veulent pas, là. Ben oui. C'est ça. OK. Là, hey, t'as dit Sept-Îles. Le simple, là, ça se rend jusqu'à Sept-Îles. Non, le Double-Olette. Le Double-Olette va jusqu'à Sept-Îles. OK. C'est comme au Sept-Îles. Le Simple-Olette, il y a quand même dans Simple-Olette, là, Bantam Midget, ça va jusqu'à Chibougamau. Ah, OK. Ouais, on est rendu là. OK, ben oui, c'est sûr, ça. Double-Olette, il y a des équipes, je pense que c'est dans le midget, il n'y a pas de Double-Olette, hein? Oui, non, il y a des Double-Olette dans toutes les catégories cette année. Ah, OK, à Sept-Îles, mais je te parle de Sept-Îles, là. Ah, tu parles de Sept-Îles, ouais, ouais. Il n'y en a pas à Sept-Îles midget. Ouais. Ah, OK. Autre chose à mentionner, peut-être, les Castors qui jouent en fin de semaine. Je sais que les Castors, je sais, en fin de semaine passée, je pense que j'étais pas là dimanche, mais je pense qu'ils ont eu une belle, beau match en fin de semaine passée. Ils n'ont pas gagné une prolongation, quelque chose comme ça. Oui, ils ont gagné une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite. Donc, ça va quand même assez bien pour les autres équipes. Là, les autres matchs en fin de semaine passée, là, pour les autres équipes, c'est un Double-Olette. Il y avait, je pense, une victoire, deux défaites. Quand même assez serré. OK. Et, je sais quand pour le Castor, c'est quand même assez impressionnant pour une jeune équipe. Là. Ils se débrouillent quand même assez bien. Ben oui, puis ça fait quand même un an. Là, David, ça fait pas mal de tour pour cette semaine? Oui. OK, donc on se reparle la semaine prochaine. Parfait. David Lamontagne, le président du hockey mineur de Dolbeau-Mistassini.